À l'occasion de la journée du soleil, le journal laotien Patelao, le journal birman de New Age, le journal malaisien Guangmin Dibao, la revue hongkongaise de Chine Les Liens Internationaux, le journal thaïlandais Singsam Yit Bao, le journal iranien Iranius, le journal allemand Rotepane, le journal égyptien Al-Misri Al-Yaoum, le journal britannique de New Woko ont fait les éditions spéciales avec des articles comme Les exploits du président Kim Il-sung pour l'éducation nationale et le président Kim Il-sung, grand homme du XXe siècle, en exposant le portrait en sourire et les photos du président Kim Il-sung et les photos du dirigeant suprême Kim Jong-un en activité révolutionnaire. Ils ont également présenté des photos montrant la fière réalité de la Corée du Tse qui remporte successivement des miracles et innovations à l'étonnement du monde sous la direction clairvoyante du dirigeant suprême Kim Jong-un.